passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent de mes mots. Pour une fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi. C'est quoi ton problème? J'écris rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire un mmh. Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire un mmh. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y'a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire un mmh. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, t'allais te faire un mmh. Je serai poli pour la télé, mais va te faire un mmh. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait c'est non. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle. You just put your lips together and blow. I was right out of my head, the way you described it. He said I'd be better dead than alive. I didn't listen to his jive. I knew all along that he was all wrong. And I knew that he thought I was crazy, but I'm not. The analyst told me I was right out of my head. He said I'd be treatment, but I'm not that easily led. He said I was the type that's most inclined. Went out of his sight to be out of my mind. And he thought I was nuts. No more ifs, ands, or buts. No, no, no. They all laughed at Graham Bell. They all laughed at Edison and Einstein. So why should I feel sorry if I just couldn't understand the reasoning and the logic that went on in my head? I had a brain, it was insane. I can't help it, can't help it. They say as a child I appeared a little bit wild with all my crazy ideas. But I knew what was happening, I knew I was a genius. What's so strange when you know that you're a wizard at three? I knew that this was meant for me. I heard little Jim was supposed to sleep tight. That's why I drank a fifth of vodka one night. My parents got frantic, didn't know what to do. But I saw some crazy scenes before I came to. Now, do you think I was crazy? I may have been only three, but I was swinging. They all laughed at Abraham Bell. They all laughed at Edison and Einstein. So why should I feel sorry if they just couldn't understand the reasoning and the logic that went on in my head? I had a brain, it was insane. It can't help it, can't help it. You know how to whistle. Put your lips together.

chicken. Chicken's a popular word, but anywhere you go, you're bound to find a chicken ain't nothing but a bird. Some people call it a fowl, that's the story I heard. But let them call it this and let them call it that, a chicken ain't nothing but a bird. You can boil it, roast it, broil it, cook it in a pan or a pot. Eat it with potatoes, rice or tomatoes, a chicken's still what you got. Boy, it was a dish for old Caesar, also King Henry III. But Columbus was smart, said you can't fool me, a chicken ain't nothing but a bird. A dish for old Caesar, also King Henry III. But Columbus was smart, said you can't fool me, a chicken ain't nothing but a bird. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver le délaisse, quand le soleil caresse ces vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, dans les rues où je passe, ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe. Il me plaît à me promener par les rues qui se faufilent à travers toute la ville. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai, quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller. J'aime quand le vent m'apporte des bruits de toutes sortes et les potins qui se colportent de porte en porte. Il me plaît à me promener en souriante fille dans les rues qui fourmillent. J'aime Paris, j'aime Paris, j'aime Paris au mois de mai. Vous êtes à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite un bon après-midi. sachez que d'ici une petite heure et demie, vous retrouverez à 17h donc l'émission La vie comme elle va, l'émission où le livre a la parole sur la radio. Et puis à 18h, le rendez-vous est incontournable, c'est celui que vous donne Violette pour traditionnel. 18h, 19h30, traditionnel, 19h, agenda des sorties. Et d'ici là, d'ici 17h, eh bien, c'est micro ouvert, l'émission de Valérie, présentée par votre serviteur. Avec beaucoup de jazz et de chansons. Que belle, on confond les deux souvent. Sur la piste, je tourne autour du lac artificiel. Je poste, on like mon parcours. Est-ce que c'est bien réel? J'accélère le rythme, sentir cogner dans ma poitrine. Je cours un peu plus vite que mon cœur enfin tambourine. Palpite, marathonia, à la petite semaine. Marathonia, un peu à la traîne. J'aime voir cavaler les nouveaux après les fêtes de fin d'année. Ils s'entraînent comme des pros jusqu'à presque mi-janvier. Parfois une jolie athlète ravive les forçats du sentier. On bombe le torse, relève la tête, on est des lévriers. J'accélère le rythme, sentir cogner dans ma poitrine. Je cours un peu plus vite que mon cœur enfin tambourine. Palpite, marathonien. À la petite semaine, marathonien, un peu à la traîne. Après la course, je fais les courses, immobile sur l'escalator. Je déambule, je me ressource, m'interroge sur mon sort.

thing happens to me every time I feel that you are near. A strange kind of chemical change goes rushing through me. I know that mysterious glow means you'll appear. Then, darling, something happens to me in your arms when I feel you're trembling too. I can tell you've been caught in the spell that I am under. We gazed into each other's eyes in breathless wonder to see that when something happens to me, it happens to you. Shifting style. on a country road as the shadows grow tonight. Swinging through 7th Avenue underneath the city lights, ringing up with no fear or doubt, we can live our dreams right now. Right jusqu'à 17h sur Radio Arc-en-Ciel, c'est Micro Ouvert. Micro Ouvert, une émission de Valérie présentée par votre serviteur. À 17h, nous retrouverons toute l'équipe de La Vie Comme Elle Va, l'émission où le livre fait son show sur la radio. Irène, Eliane, Jean-Pierre seront là pour nous faire partager leur plaisir de lire, leur passion. Autre passion à 18h avec Violette et la musique traditionnelle. 18h-19h30, Violette, c'est sur Arc-en-Ciel. Vous écoutez Arc-en-Ciel, il est 16h. Thank you.

way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I always, always keep the memory of us. The way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys. Away from me. No, they can't take that away from me. Will you repeat that again, dearie, please? No, they can't take that away from me. Ah, qu'il est doux de ne rien faire. C'est peut-être votre cas dans votre fauteuil. Peut-être Radio Arc-en-Ciel vous accompagne en voiture, sur un coin de table, dans votre jardin par exemple. Alors profitez bien. Tout à l'heure, à 17h, nous retrouverons la vie. Comme elle va, l'émission où les livres parlent dans la radio. Émission Passion, créée par Irène et ses amis, Jean-Pierre et Liane. Et puis à 18h, on change, on passe à la musique traditionnelle. Avec Violette, qui ouvrira son agenda des sorties sur les coups de 19h. Soyez là.

laissé sans nouvelles. Mon cœur de miel, il n'est plus pareil. Sans abeilles, mon cœur de miel, il est parti comme un soleil au milieu de la nuit. Venu chercher mon sommeil chez un autour. Pourtant c'est bien gardé. Il a laissé son nouvel, mon cœur de miel. Il n'est plus pareil. Sans aller, mon cœur de miel. Secrètement, j'espère toujours aux aviés de signes, j'adore. Un jour je sais qu'il me trouvera celui qui me fera fondre. Sorti des menus plats tout en bravant les vents, il a laissé son nouvel. Il a laissé son nouvel, mon cœur de miel. Il n'est plus pareil. Sans aller, il a laissé son nouvel, mon cœur de miel. Il n'est plus pareil. Sans aller, mon cœur de miel. Quand tu dors près de moi, quand tu viens dans mes rêves en sortant de mes bras. L'amour, c'est comme un refrain, tu le chantes aujourd'hui et tu l'oublies demain. L'amour, c'est un océan, une marche aux étoiles où l'on se perd souvent. De foin, et j'ai su te trouver, moi qui ne trouve rien. L'amour, c'est comme un oiseau, ça voyage très loin, ça tombe de très haut. L'amour, c'est comme le vent, c'est tout chaud, c'est tout froid, ça tourne tout le temps. Sans m'en apercevoir, je me suis réveillée le jour de ton départ. L'amour, c'est comme le latin, tu le crois oublié, puis il te revient. L'amour, tu n'as pas existé pour moi. L'amour, c'est comme un enfant, tu lui as tout donné, il part quand il est grand. L'amour, c'est comme l'été, il nous faut un automne pour le regretter. Me. Arc-en-Ciel. Thank you. écoutez Radio Arc-en-Ciel, il est tout juste 17h.